pour des remorques fiables, robustes et de qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques pour tous les styles, que ce soit l'utilitaire, la cargo ou la gooseneck. Nous avons la remorque que vous cherchez. On peut même la fabriquer. Nous sommes distributeurs des marques québécoises. Remorque 2000, une entreprise 100% régionale. 643 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini. 276-5343 ou remorque2000.com. Le propriétaire, M. Daniel Deschaines, souhaite la meilleure des chances aux organisateurs du Festival du Bleuet et invite la population à participer à l'événement. On va parler de boxe et de football. Notre ami Bernard Barré est au Pérou aux Jeux panaméricains. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de boxe. Par contre, on a un excellent frappeur de relève. C'est Frédéric Deck qui couvre les activités de la boxe pour la presse canadienne. On va parler également des Alouettes. Les Alouettes, Frédéric également couvre les Alouettes. Salut Fred! Salut Danny! Fred, Jean-Pascal remonte dans le ring. Première question, est-ce que c'est le dernier combat de Jean-Pascal? Ben, on pense que c'est le dernier combat depuis El Ghali. Ouais. Moi, j'ose pas me prononcer là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète toujours dans le cas de Jean, c'est est-ce que ce sera le combat de trop, hein? Ouais. Parce qu'encore une fois, Brown a 8 ans plus jeune que Pascal. Pascal a beau avoir l'expérience qu'il a. Il arrive néanmoins, tu sais, à 37 ans cet automne. C'est un gars qui a 300 rondes et plus de disputés. Il s'est pas tant que ça fait frapper solidement dans sa carrière. Il a jamais visité le tapis, mais tu sais, les derniers combats ont laissé leur trace. Et puis, c'est toujours un peu ma crainte là dans le cas de Jean. Il a plus rien à prouver. Il est champion du monde. Il a fait son argent. Il s'est battu contre les meilleurs gars disponibles tout le temps. Il a jamais reculé devant personne. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'est certain que l'attrait d'un championnat, même si c'est intérimaire au WBA, puis la ceinture silver au WBC qui te place dans une belle position pour un combat de championnat, cet attrait-là doit être terriblement difficile à repousser. Mais en tout cas, moi, je suis pas convaincu que c'est une bonne idée. Mais est-ce que... Puis Brown, c'est pas un pied de céleri, puis c'est un gaucher aussi, là. Dernier gaucher que Jean-Pascal a affronté, c'est Lucien Bouté. Ouais. Alors ça remonte, tu sais, ça veut dire ce que ça veut dire là. Il y a sûrement Stéphane Larouche Pointe-à-Terre, là, son entraîneur, ouais. Il a amené d'excellents gauchers sûrement pour lui au camp d'entraînement. Mais en combat, le dernier, c'est Lucien Bouté, puis ça, c'est en janvier 2014 ou 2015. Ouais, ça fait un bout là. Quelques années là. Puis ouais. Avant ça, à moins que je fasse erreur là, je pense que c'est Chad Dawson. Ouais. Et ça, ça fait longtemps là. C'est au début des années 2010. 2011 à peu près, Chad Dawson? J'arrive sur BoxRec, là, 14 août 2010. Hey, ça commence à faire des lunes, ça commence à faire 9 ans? Bon, alors, tu sais, comme je te dis, ça veut rien dire, là, moi, j'ai extrêmement confiance en Stéphane Larouche qui a bien préparé Jean, mais est-ce que Jean est encore de calibre pour ces boxeurs-là? Tu sais, malheureusement, si... on est toujours aussi bon que notre dernier combat là à la boxe là. Ouais. Mais contre Dimitri Bivol, Jean a pas été bon. Il a vraiment pas été bon. Il a été déclassé par Bivol. Ça a été une décision unanime, absolument pas serrée. Et j'ai peur qu'il se produise la même chose demain soir. Moi. Ok, donc les gens vont pouvoir voir ça sur Fox. C'est ça qui est le fun. C'est une belle heure pour ça, 20 heures. De 8 à 10, ça passe ça. Ouais. C'est parfait. C'est de 8 à 10. Habituellement, les combats de boxe, c'est 11h, 11h30, minuit. Mais là, Jean-Pascal, oui, c'est 20 heures. Là. Donc, ça va être vraiment intéressant. Tu sais, Jean, je pense pas qu'il gagne. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient un faire-valoir. On est obligé de penser ça. Je pense que autant dans le cas de Bivol que dans le cas de Marcus Brown, on voulait pouvoir dire on a battu des champions du monde, tu sais. Ça fait quand même pas 20 ans là, qu'il a été champion, Jean-Pascal, là. Je pense que t'as raison. Je pense que Jean-Pascal est rendu un faire-valoir pour ces boxeurs-là, puis c'est dommage. Écoute, c'est sa carrière, c'est sa vie, il l'amène et la gère comme il veut. Mais moi, je comprends pas ce que Jean-Pascal a d'affaire à aller faire bien paraître d'autres boxeurs de la plus jeune génération. Moi, ça me dépasse. OK. Fred, je veux te parler des Alouettes aussi. Je viens de parler avec Pascal Masson, puis tantôt je vais parler avec André Bolduc. Deux choses que je veux te parler. On peut pas faire autrement que de parler de la vente, même si tout le monde est écœuré. Pascal, je disais à Pascal Masson tantôt, moi ce qui m'écœure là-dedans, c'est qu'Éric Lapointe va être le bouche-trou. Parce que si la Ligue canadienne de football servir vers Éric, c'est parce que quelque part, les Ferlinkov, qui étaient une grosse joke, ça, là. Les gars étaient dans le vestiaire des Alouettes, ils étaient même pas propriétaires, puis les joueurs savaient se poser la question, c'est qui eux autres. Puis là, finalement, ils décident de pas l'acheter. Là, est-ce qu'Éric, d'abord, est en position de force, il peut faire baisser son prix? Même si on sait pas c'est quoi la valeur des Alouettes, c'est quasiment des dettes en partant, là. Ça vaut quasiment, c'est zéro que ce que ça vaut, là. Ben, on se répète, là, mais les Alouettes ne possèdent rien à part de l'équipement et des contrats. Ils ont signé avec des joueurs, parce que pour le reste, pas de stade, pas de complexe d'entraînement, pas de bureau. Ils sont locataires partout. Mm. Alors, les Alouettes, c'est difficile de voir ce qu'ils ont. Maintenant, Éric Lapointe est un homme d'affaires aguerri. Faut aussi se rappeler que pour lui, par contre, les Alouettes ont une valeur sentimentale. Alors, jusqu'à quel point tu sais, la ligne entre le sentiment et les affaires va se promener, c'est peut-être ça qui va dicter le prix qu'il va être prêt à payer. Mm. Maintenant, il a admis récemment qu'il était capable que l'argent... 35 millions, il m'a dit, moi. Il était capable là, de mettre l'argent nécessaire pour faire rouler cette équipe-là et la relancer. Écoute, tu sais, on est rendu là. Les Alouettes vont jouer leur sixième match. Je pense que c'est la huitième semaine d'activité de la Ligue canadienne de football. On s'entend que il y aura rien d'annoncé au minimum avant la semaine prochaine. On va être rendu bientôt là à mi-chemin dans le calendrier de la saison. Puis ça n'a pas bougé là. L'aiguille n'a pas bougé d'un centimètre là. Mm. Fait que c'est une saga qui n'en finit plus de pas finir. La Ligue, de ce que j'en sais, a racheté des Alouettes, des Wattenhalls, parce qu'ils ne voulaient pas que les Wattenhalls négocient directement avec des acheteurs potentiels. Honnêtement, là, ça commence à être un peu ridicule, ce dossier-là. Puis pourtant, Randy Ambrose, c'est un gars que Randy Ambrose, là, c'est supposé être un homme d'affaires aguerri. Ben, c'est mais ça. Dans ce dossier-là, là, c'est le cas de le dire, il a échappé le ballon jusqu'à maintenant. Parce que c'est un gars qui est un redresseur d'entreprise. Écoute, je sais pas c'est quoi qui cherche et qui ne trouve pas dans ce dossier-là, mais c'est c'est pas son meilleur coup, disons. Ouais, alors que je trouve qu'il fait un excellent travail depuis qu'il a été nommé en poste comme commissaire, là, mais dans ce dossier-là, disons que la note de passage n'est pas acquise. En terminant, sur le terrain, écoute, je vais parler à André tantôt. Moi, je l'écoute au 98.5, puis moi, ce qui est rassurant, c'est qu'il me dit on commence juste on est encore en mode réparation, on n'a même pas commencé à bâtir, donc c'est loin d'être temporaire ce qui se passe avec les Alouettes là, et ça c'est très rassurant. Puis il a parlé beaucoup, puis t'étais là aux pratiques l'année passée, puis je vais en parler André tantôt, il a parlé beaucoup que les joueurs étaient fatigués durant le match, il restait plus d'énergie à la fin du match, et je pense que ça t'es en mesure, j'imagine t'es voué pratique, j'imagine que on taxe moins les joueurs là. Ben oui, écoute, pas compliqué, là. Sous Mike Sherman, l'entraînement durait 2h15, 2h30, là. Alors, t'as trois gros entraînements, puis t'as un walkthrough, là. Je m'excuse à l'expression anglophone, mais c'est une pratique, là, où on a fait que réviser le positionnement des joueurs, tout se fait à un rythme vraiment ralenti, on marche les jeux, tout ça. Fait que à défaut d'une meilleure expression, j'utilise celle en anglais, là. Je la connais pas en français. Fait que, mais t'avais quand même trois immenses séances d'entraînement. Puis là, il fallait que tu ailles jouer ton match. Ben, puis on reprochait aux Alouettes de manquer de gaz continuellement en deuxième moitié de rencontre. Ben là, c'est pas compliqué, c'est là. Et puis là, on regarde, les Alouettes finissent bien. Regarde, même dans les matchs qu'ils ont perdus contre les Eskimos, en deuxième moitié, ils ont inscrit plusieurs points. Même chose en semaine 2, là, je me rappelle plus contre qui ils ont joué cette semaine-là, Colin, j'ai un blanc, mais même chose, ils avaient bien joué en deuxième moitié de match. Et là, ça, c'est pas compliqué. Avec Carey Jones, les entraînements durent 1h15, 1h30. Et puis, c'est un rythme, c'est dynamique, mais c'est pas épuisant. Le but, c'est pas que les gars, ils jouent 95 jeux à l'entraînement à chaque jour, là. À un moment donné, c'est, tu sais, pour des joueurs de ligne, là, ben, c'est 95 fois que tu t'accroupis, que tu te places. Ouais. Je sais bien qu'on pratique sans épaulière maintenant, là, dans la Ligue canadienne, mais, tu sais, faut, les gars, il y a une charge de travail quand même à accomplir. Et puis ça doit faire un gros changement sur la quantité d'énergie qui nous reste pour disputer le match à la fin de la semaine. Parce que le but, c'est pas d'être bon à l'entraînement à un moment donné, là. C'est d'être bon et performant pendant les matchs. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que Mike Sherman, qui est un vieux loup du football, savait pas ça ou comprenait pas ça. C'est ce que peu importe, là. Ben, c'est pas une histoire d'NFL des Canadiennes. Je pense que c'est ça le gros changement. Un des gros changements, c'est la loi cette année. C'est le fait que ah ben oui. Hein? Écoute, l'arrivée de Kerry Jones, là, on a immédiatement senti la dynamique changer. Puis écoute, Mike Sherman était dépassé. Là. Ah ouais. Écoute, des fois, il parlait de joueurs blessés. Il savait pas trop de qui qu'on parlait, de tel. Il était confus parfois quand il s'adressait aux joueurs sur le terrain. Et il pensait s'adresser à un gars, mais il parlait à l'autre gars. C'est à un moment donné, là. Ouais. C'est quelque chose, là. Malheureusement, là. La décision aurait peut-être dû être prise au début du camp d'entraînement, mais bon, faut rendre à César ce qui lui est dû. L'organisation des Alouettes a fait le bon choix en mettant Jones en place au début de la saison. Et j'étais presque pour dire faut rendre ça à Kavis Reid, mais selon ce que j'ai su, Kavis Reid était même pas au courant quand on a changé l'entraîneur-chef. Fait que je vais plutôt attribuer ça à la haute direction des Alouettes, ce changement-là. OK. Ben, Fred, il me reste qu'à te souhaiter une bonne vacance. Repose-toi bien. Je sais que tu as des beaux projets que on va annoncer prochainement avec. Tu vas annoncer des lancements de livres que tu m'as parlé. Pour bien te reposer. Et on espère évidemment la grande annonce à la fin septembre concernant les Rays à Montréal. Mais pour moi, ma prédiction commence à être difficile. Ça commence à être difficile pour moi pour 2020. Ça va être serré. Écoute, moi, c'est pas le sujet de la chronique aujourd'hui, mais moi, je te répète ce que je t'ai souvent dit. Moi, je persiste à croire que quand les Rays vont dire à la ville de Saint-Pétersbourg qu'ils vont compléter le bail, mais qu'ils ne resteront pas plus longtemps, alors qu'ils vont dire alors à Saint-Pétersbourg, comptez pas sur nous autres et ne planifiez pas un stade de baseball dans le développement du quartier du Tropicana Field. Moi, je pense que la ville de Saint-Pétersbourg va dire, ben écoutez, allez-vous-en maintenant, on va s'organiser avec le développement, puis je pense qu'on va être très, très facile à négocier la pénalité pour partir. En tout cas, moi, c'est mon feeling, là, mais c'est quand même, c'est un dossier que en toute modestie, que je contrôle, que je connais pas mal bien, là. Ouais. Moi, c'est le feeling que j'ai. J'ai pas perdu espoir d'avoir du baseball à temps plein l'année prochaine encore à Montréal. OK, l'année prochaine. C'est sûr que ça va arriver, mais peut-être pas. En tout cas, 2020, ça va être serré. En tout cas, peu importe, on s'en reparle, Fred, bientôt. Absolument. Frédéric Daigle, et bonnes vacances. Frédéric Daigle de la presse canadienne.